plus je fais des rondes. Je pense à toi, je m'enfonce. Pas loin de moi mais tu me manques. T'es dans mon cœur, ma gueule d'ange. J'ai fauté mais pour toi je fais des bedeux. M'en veux pas mais moi j'ai trop peur de te faire du mal, je ne veux pas te perdre. Et quand je te vois moi je suis pas le même. Je perds mes forces, je crois que tu m'almènes. Je sais que c'est facile à lire mes peines, mais pas facile à dire je t'aime. Franchement je suis déçu, voilà. Ne crois pas que je te raconte des salades. Ce n'est qu'une histoire, my love. On va pas en parler toute la night. Et quand la salle est remplie, balaf. Ne m'en veux pas, je t'en prie, je suis malade. Non, ne crois pas que je te balade. Je le sais déjà, tu es ma life. Ma vie sans toi, un cauchemar. Je ris, je pleure, mais je vis. J'ai peur qu'il ne soit trop tard et que tout soit fini. Ne me laisse pas, ne me laisse pas, ne me laisse pas sans toi. Je ne pourrai pas, je ne pourrai pas vivre une seconde. Tu dégaines mon cœur, c'est paroles et encore des paroles. Histoire de cœur quand ils se brisent ces paroles. Franchement, je suis déçu, voilà. Ne crois pas que je te raconte des salades. Mais ce n'est qu'une histoire, my love. On va pas en parler toute la night. Et quand la salle est remplie, voilà. Ne m'en veux pas, je t'en prie, je suis malade. Non, ne crois pas que je te balade. Je le sais déjà, tu es ma life. Ma vie sans toi, un cauchemar. Je ris, je pleure, mais je vis. J'ai peur qu'il ne soit trop tard et que tout soit fini. Ne me laisse pas, ne me laisse pas, ne me laisse pas sans toi. Je ne pourrai pas, je ne pourrai pas vivre une seconde sans toi. Franchement, je suis déçu, voilà. Ne crois pas que je te raconte des salades. Mais ce n'est qu'une histoire, my love. On va pas en parler toute la night. Et quand la soirée est remplie, voilà. Ne m'en veux pas, je t'en prie, je suis malade. Non, ne crois pas que je te balade. Tu le sais déjà, tu es ma life. Je fais des rondes, je pense à toi, je m'enfonce. Pas loin de moi, mais tu me manques.